Et c'est l'heure de rejoindre Raymond Poirier qui est avec nous en studio pour parler technologie de l'information puisqu'il est chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société de l'Université Laval. Bonjour Raymond Poirier. Bonjour Tania Beaumont. Et cette semaine, on va un peu à l'international pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment différents gouvernements peuvent utiliser, entre autres, les réseaux sociaux. Exactement. En fait, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se réfléchit ailleurs sur des thématiques qui sont bien présentes ici, il faut le dire. On parle d'engagement électoral, de participation politique et on se pose la question un peu partout dans le monde, de quelle manière on peut amener les citoyens et les citoyennes à s'engager plus avant dans cette sphère-là. Et évidemment, en fait, parmi les solutions, il y a toute la notion des médias sociaux. C'est selon un rapport là, du gouvernement australien, en fait de la commission électorale australienne, qui va être la base d'ailleurs de mon intervention aujourd'hui, que j'ai trouvé très intéressant. Ils disent, regardez, c'est une opportunité extrêmement intéressante pour amener les citoyens à s'engager dans le processus démocratique. C'est une forme de média qui, contrairement à la télévision, contrairement à les journaux et aux autres médias traditionnels, ne sait pas à sens unique. Donc, il n'y a pas un émetteur et un receveur, il y a vraiment une interaction qui est possible et donc ça amène une exploration peut-être plus riche que ce qu'il peut y avoir dans d'autres médias et ça donne accès, évidemment, puisque les profils des utilisateurs ne sont pas les mêmes sur le web que à la télévision, à la radio ailleurs, mais ça donne accès aussi à des gens qui se reconnaissent peut-être dans ces médias-là, mais ne se reconnaissent pas dans d'autres médias. On pense notamment aux jeunes générations. Et évidemment, ça peut amener aussi un autre mode d'approche, un autre mode, une autre manière de faire dans la promotion politique, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment ce qui amène le gouvernement australien à dire, regardez, oui, c'est une opportunité qui est intéressante. Mais ce que je trouve particulier, par exemple, entre les réseaux sociaux et la politique, on l'a vu peut-être dans la dernière campagne, c'est que en tant que politicien, peut-être un peu plus âgé, on est moins adapté aux réseaux sociaux, mais est-ce qu'on a la bonne manière de les utiliser et ça peut se revirer contre nous aussi? Oui, exactement. Mais en fait, il y a plusieurs défis qui se présentent. Je pense à François Legault, on va le dire. On peut penser à M. Legault, effectivement. Ouais. Première chose, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour la plupart des gens, si on va sur Facebook, si on va sur Twitter ou ailleurs, c'est pour le plaisir, c'est pour du divertissement. Donc, c'est pas la totalité des utilisateurs de ces réseaux-là qui y vont pour une utilisation sociale engagée d'apprentissage. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'on est face à une clientèle qui est pas nécessairement acquise à ce type de débat-là. Qui est pas ouverte à ça. Qui est pas nécessairement ouverte à ça. Et parallèlement, qui aussi, si le message n'est pas lancé de manière adéquate, est très ouverte à justement transformer un message politique en un produit humoristique. On le voit avec à peu près toutes les gaffes, toutes les erreurs qui se mettent à circuler et de plus en plus rapidement, on se retrouve avec des ce qu'on appelle des mimes, donc des parodies web à saveur politique. Il y a Infoman qui en fait d'ailleurs, c'est chou gras. Exactement, il y a des sites spécialisés pour te dire là. On est rendu assez loin, c'est dans la demi-heure, dans les 10 minutes qui suivent la mise en ligne d'un clip odieux que ça part. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a une gestion du risque qui est assez importante quand une organisation politique décide de se lancer là-dedans. Et parallèlement, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que, oui, il y a beaucoup de monde qui est sur Facebook, oui, il y a beaucoup de monde qui est sur Twitter, mais individuellement, ces gens-là ne regroupent pas nécessairement tant si on permet l'anglicisme, de followers que ça. Je veux dire, en faire en moyenne, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'à peu près 100 personnes qui suivent une personne en moyenne sur Twitter, qui a peut-être une 150 amis en moyenne sur Facebook. Donc, il y en a qui ont des réseaux qui sont très élargis, qui sont des influenceurs, mais parallèlement, il y en a qui ont également des très, très, très petits réseaux. Et donc, il y a une difficulté d'amener les gens à s'intéresser à la campagne qu'on propose, mais également ensuite d'amener les gens à s'intéresser aux messages que ces gens-là vont diffuser. Et on s'entend que sur 100 personnes, considérant qu'il y en a qui y vont pour le plaisir, donc on se retrouve avec un pourcentage qui peut être quand même surprenamment faible de gens qui vont être véritablement intéressés par les réflexions politiques que je diffuse par Facebook ou Twitter. Donc, le parti viral a aura peut-être pas autant de viralité. Exactement, mais ça dépend qui embrasse ce médium-là. Et en plus, ben on est quand même dans l'instantanéité, donc il y a toute une question, encore un anglicisme, de timing. Si on lance à une certaine heure, si c'est repris, s'il y a d'autres nouvelles, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de difficultés un peu là-dedans. Et évidemment, quand on décide de se lancer dans une opération comme celle-là, ben on l'a dit tout à l'heure, la clé, c'est l'interactivité. Donc, il faut aussi que moi, en tant qu'émetteur, je sois prêt à interagir. Si je lance une bouée dans l'eau et que je m'attends ensuite qu'elle vive toute seule, ben ça ne marchera pas. Non. Et parallèlement, ben si je la lance tout simplement et que subitement, il se met à avoir un retour peut-être plus négatif, peut-être plus positif, et que je ne suis pas là pour l'encourager, pour le développer, ben ça risque aussi de créer un pétard mouillé au bout du compte. Une lancée rapide, certes, mais ensuite, ça va retomber. Donc, faut également être sur place pour compenser le négatif et le positif. Donc, ça rentre dans les défis. Faut avoir une équipe qui est prête, qui est là, et faut avoir aussi une équipe qui est formée. Tu le mentionnais tout à l'heure, Tania, si on sait pas comment ça marche et on fait un peu à l'instinct, sans avoir une bonne préparation préalable, ben également, ça va transparaître. Et encore là, ben, on se retrouve dans la gestion du risque, à savoir qu'on vient de créer un risque qui peut avoir des conséquences négatives, qui peut avoir des conséquences graves sur l'image d'une formation, d'un parti, d'un gouvernement, etc. Mais il y a aussi qu'une fois que c'est lancé dans les réseaux sociaux, ça ne nous appartient plus vraiment. Par exemple, je prends l'exemple de François Legault, parce que ça avait été assez marquant. Il avait fait une blague de Twitter avec sa femme qui joue au golf. Donc là, c'était juste pour parler de... Bon, c'était pour faire une petite blague comme ça, mais là, tout le monde a dit, mon Dieu, il est misogyne, tu sais. Une fois qu'on l'a donné, on s'est comme rendu plus loin que ce que le message voulait vraiment dire. Il était plus en possession de son tweet, finalement. Exactement. C'est des réflexions qui sont extrêmement riches. Je fais une petite parenthèse pour dire, bon, je ne suis pas expert en médias, réflexions extrêmement riches. Bien souvent aussi, les gens sur des sujets de société. Dans un contexte délibératif standard, ça va plutôt être une mise en commun d'antagonisme. Et donc, ça ne créera pas une discussion qui va être saine, mais ça va mettre deux murs face à face et les murs vont se lancer des tomates. On le voit dans certains débats politiques où ça tourne mal, où on se dit, ben finalement, je pense pas qu'on va réussir à convaincre quelqu'un par un ou deux posts sur Facebook ou Twitter. C'est peut-être un peu aussi la faiblesse du médium. On n'arrive pas facilement à convaincre parce que les gens n'y vont pas nécessairement pour être convaincus. Non, parce que souvent on a notre idée arrêtée et peu importe ce qui est dit, ben ça va peut-être plus nous craquer à l'inverse. Exactement. Donc, ça devient quand même des défis importants et plein d'éléments comme ça qui, pour ceux qui se lancent un peu justement dans l'utilisation, dans l'intégration de médias sociaux, dans un processus d'engagement citoyen, mais faut garder ça en tête. Faut pas s'imaginer qu'on est face à une panacée pour l'engagement politique, que c'est la voie de l'avenir, et on peut pas non plus s'imaginer que dans un contexte de promotion d'idées, ben ça peut être aussi, pour l'instant du moins, le moyen unique de promotion. Donc, il faut qu'il y ait d'autres outils qui viennent appuyer ces mesures-là, parce que il y a aucune garantie d'efficacité non plus. Donc, ben, sur d'autres types de publicité, il n'y en a pas plus, évidemment, mais reste qu'en multipliant les médiums, on multiplie les risques que ça fonctionne. Alors, ce que la Commission électorale australienne suggère, c'est d'y aller avec une série de petites considérations quand on se lance. Je trouvais que c'était de bons conseils. La première chose qu'ils disent, et tu as touché ce point-là aussi tout à l'heure, c'est l'idée qu'il faut accepter qu'on perde le contrôle du message. Ouais. En fait, il ne faut pas s'imaginer qu'on va le conserver. Il ne faut pas chercher à le conserver non plus. Il faut être en mesure de s'adapter au message, de s'adapter à la manière dont ça va être reçu, pour essayer, pas nécessairement de faire du damage control, pas pour contrôler le message, mais pour simplement s'assurer que le débat bifurque bien et s'assurer que nos intérêts personnel, collectif ou institutionnel reste représenté aussi dans les manières dont le débat va se faire. Ensuite, évidemment, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut avoir des ressources qui sont en place. On l'a mentionné, il faut pas se lancer avec une équipe de 1 si on fait une campagne provinciale. Il faut avoir quelques gens qui sont là et qui plus est, sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il y a rien qui me dit que le débat va se faire de 9 à 5 du lundi au vendredi. Non. Si on est sur les médias sociaux, et ça, il y en a beaucoup de conseillers qui le disent, ben on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faut pouvoir réagir à tout moment. Donc, faut avoir des gens qui vont être en mesure de veiller au moment adéquat. Quand on se lance là-dedans, ce qu'ils disent aussi, c'est de s'assurer d'avoir le support, justement, des cadres, de la direction, de pas, donc, lancer une opération guérilla sans s'assurer d'avoir le soutien et sans s'assurer que les hautes directions ou les dirigeants ou les décideurs ne sont pas conscients des risques qu'on a mentionnés tout à l'heure, pour pas qu'il y ait de surprise et pour pas que, justement, là, on tombe dans une opération de contrôle de foule qui sera peut-être plus négative que positive. Donc, il y a des éléments comme ça. Évidemment, après ça, mais faut garder en tête aussi qu'on est dans un contexte peut-être très décentralisé aussi au niveau du pouvoir communicationnel, comme on le disait tout à l'heure. Faut garder en tête aussi quand on lance une opération, c'est beaucoup plus efficace si on y est pour vrai sur les médias sociaux. Ça arrive beaucoup que qu'on fait semblant qu'on est là pour l'élection, par exemple. On est là 2 mois, on est là 1 mois, 30 jours, et après ça on disparaît, on anime de manière sporadique, et ce qui fait que les gens perdent le réflexe aussi de venir voir notre contenu. Donc quand on y est, et le défi dans des contextes basés sur de l'événementiel, c'est d'y être à l'année, et c'est d'animer hors de notre événement, hors de nos périodes de pointe, et quand même d'avoir du matériel à relayer, parce que c'est là aussi où on va aller gagner des gens plus fidèles peut-être que ceux qui viennent seulement dans le sommet des discussions. Donc, il faut garder ça en tête, et évidemment, ben ensuite, faut être prêt à jouer le jeu et avoir aussi ça comme presque une obligation dans un certain stade. Une fois qu'on a pris la décision d'y être et d'y être correctement, ce que la commission électorale australienne dit, ben on croit, nous, qu'il faut aussi, une fois qu'on y est, dire ben on est obligé. On y est obligé, on peut plus y passer c'est à côté. C'est un engagement. Faut les gérer, c'est un engagement. Alors, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, ben, c'est des rapports qui sont disponibles sur le web, soit sur itis.ulaval.ca, soit aussi sur l'Observatoire francophone des TI, ofti.org. Et donc, ça anime, je pense, des réflexions qui sont dans l'air du temps. Ben, surtout qu'on vient de passer, disons, plusieurs élections dans les dernières années. Donc, on peut aussi revoir avec des exemples qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux. Et terminant, Raymond, il y a une conférence qui s'en vient. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler en détail la semaine prochaine, mais je voulais en faire mention pour qu'on puisse l'inscrire sur nos agendas. On aura le plaisir à l'ITIS, en collaboration avec le département de littérature de l'Université Laval, de recevoir Hervé Fischer mardi prochain, donc le 26 mars à 19h30 au Cercle. Donc, pour une conférence qui va s'appeler la mythanalyse du numérique. Je voulais rapidement l'intituler. On nous dit « À l'âge du feu dominait les énergies dont usait le mot Faber promothéen pour construire le monde matériel. À l'âge numérique de cette société, l'information que nous célébrons désormais, le code binaire, nous permet de développer de nouvelles métaphores, de créer une nouvelle image du monde. Alors, quelle est l'image du monde qu'on crée avec le numérique? Est-ce qu'on est en train de créer une nouvelle mythologie? » C'est des grandes questions. Ben oui. On va les explorer lundi prochain. On va mettre la table là-dessus. Mais déjà, je pense que ça vaut la peine. C'est entrée libre, mardi 26 mars à 19h30. C'est au Cercle sur la rue Saint-Joseph-Est. Donc, on s'en reparlera. Et pour réentendre les chroniques, d'ailleurs, on se rend sur itis.ulaval.ca. Raymond Poirier, chargé de communication à l'ITIS. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et à la semaine prochaine.